Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, bienvenue au lycée professionnel, une série de Perrine Kervran réalisée par Doria Zénine et Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a des réformes qui ne passent pas, des profs amers mais dévoués et des lycéens à la lucidité parfois douloureuse. Et il y a ce monde du travail en miniature que sont les LEP, violence sociale, inégalité, solidarité et camaraderie comprises. Alors pour commencer, les personnages. Une prof de lettres histoire et une prof d'art appliqué qui sont aussi des amis, un professeur de mécanique attentif, une inspectrice d'académie concentrée, un sociologue pessimiste, un historien, une sociologue qui décode et des stagiaires exploités ou pas. Ensuite, le décor. Un lycée d'esthétique, un autre de mécanique, la porte de la chapelle, un garage et d'un Beaumont, la désindustrialisation et des salles de classe qui sont des ateliers. Aujourd'hui, deuxième épisode, on enfile son bleu de travail. La boîte là, c'est déjà un jeu. Il va arriver à 15h, et l'autre là. Tiens, Cyril. On va regarder le manou. Quand on a une voiture qui ne démarre pas, d'accord, trois choses à contrôler. L'alimentation, le carburant, l'allumage, la pression. Un monde du travail en miniature. Non, mais là, on a du démarre. Oui. Mais ouais. Trois éléments. Pour avoir une combustion, on a besoin de quoi? D'air. Oui. D'accord. Oui. Mais le plus simple, là, c'est de regarder quoi? L'alimentation de... Ouais, de la main. Allez, go. Vous regardez ça? C'est parti. Là, on est au lycée Camille Genazzi, à Paris, dans un cours de mécanique. Autour de nous, il y a de très jeunes gens en bleu de travail et chaussures de sécurité, avec les mains noires de graisse. Ils sont sérieux et rigolards, ils observent notre matériel, et nous, on les observe manier la clé Allen sous le capot. On est les seules filles dans la pièce, et le lycée professionnel, on ne connaît pas. Dans ma famille, d'ailleurs, l'idée du lycée professionnel ne s'est jamais posée. Du coup, quand mon cousin est entré dans un lycée hôtelier, pour moi, à l'époque, c'est un peu comme s'il arrêtait l'école. Mais il y a beaucoup d'autres familles, celles d'un tiers des lycéens, pour qui c'est l'inverse. A priori, on se destine au lycée professionnel. Et on apprendra, bien plus tôt que ses camarades de collège, la violence et les inégalités. Mais aussi la camaraderie, l'esprit d'équipe et le sens des responsabilités. Comme un avant-goût du monde du travail, en miniature. Une baladeuse sur la lune, allez-vous, s'il vous plaît. Regarde, là, au carter. Ah, ok, vas-y, laisse-moi en face, toi. Bah, tu regardes comment elle est passée, regarde, elle est détendue, ta courroie, le tendeur, il est là. C'est mon vilebrequin. Ah ouais, c'est bon, alors. Ouais, ouais, t'as juste, tu regardes ta courroie proprement. Comment elle passe, hop, allez. Bien, je peux l'enlever, alors. Bah, bien sûr que tu peux l'enlever, t'as enlevé le tendeur. Tu l'as, alors. Faut prendre l'initiative un peu, les garçons, hein. Ouais, non, mais dans un an, vous êtes au boulot, hein. Dans un an, tu vas pas attendre que le chef te fait 5 minutes, hein. Tu vois, il va te foutre dehors. Alors moi, j'ai été élève ici, en 1982. J'ai eu mon CAP. Ensuite, je suis parti travailler dans le privé jusqu'en 2008. Dans des garages ? Dans des garages, oui, dans les garages. Et en 2008, je suis revenu ici en tant qu'enseignant. Ma mère est mère au foyer et mon père est retraité. Donc mon père a travaillé dans les mines avant. Il n'a pas travaillé beaucoup de temps parce qu'il a subi un accident de travail. Il a arrêté très jeune. Alors mon père était magasinier et ma mère conditionneuse. Bah, ma mère, en fait, quand je suis arrivée ici en bac pro, elle était chef d'entreprise, en fait. Malheureusement, mais la société a fermé et là maintenant elle travaille en école primaire en tant qu'aide aux devoirs. Ma mère est infirmière, mon père est fonctionnaire. On vivait correctement, mais je ne me considérais pas comme riche. Mon père, il est barman et ma mère, elle s'occupe des petits-enfants, la maternelle. Alors mon père, il a fait la maçonnerie à travail artisanal, maintenant il est invalide du coup. Et ma mère, elle est femme de ménage à domicile chez les gens. J'ai que ma mère et ma mère, elle fait animatrice dans les écoles. À la base, elle était au bled et elle est venue ici vers 25 ans. Et dès qu'elle est venue, elle a essayé de chercher un travail rapidement pour ses enfants, etc. Et voilà, ça c'est fait. l'essentiel de l'enseignement professionnel est composé d'enfants des classes populaires. Comment est-ce que finalement se fait cette acceptation d'aller en filière pro ? Bon, le facteur principal et premier, c'est le niveau scolaire atteint en fin de collège, qui lui-même est un sous-produit de propriété sociale des familles, de manière pas mécanique, mais tout de même assez déterminée par le capital, notamment culturel, le capital scolaire des familles. Hugo Paletta, chercheur. Le niveau de diplôme des parents est très prédictif statistiquement du devenir scolaire des enfants. Bon, alors après, il y a tous les élèves qui se situent dans un niveau, par exemple, entre 8 et 12, et pour lesquels la question de l'orientation n'est pas très claire en fin de collège. Et là, c'est assez net que on a des choses très différentes qui se passent d'un milieu social à un autre. Quand on a des notes moyennes, disons, en fin de collège, c'est vrai que si on est un enfant des classes populaires, on a beaucoup plus de chances d'être orienté ou de s'orienter vers la voie professionnelle. Notamment en milieu populaire, si on fait un focus sur les classes populaires, les familles vont moins résister au verdict scolaire négatif. Si leur enfant entre 8 et 10, ils vont se dire, c'est pas si grave que ça, il ira au lycée professionnel ou en apprentissage, et puis il ou elle, d'ailleurs, il apprendra un métier, et puis il bossera, etc. Alors que dans les milieux les plus favorisés, un enfant qui a des notes moyennes, entre 8 et 10 ou entre 10 et 12, on fera tout d'une certaine manière pour qu'il évite la voie professionnelle, et par exemple on lui fera redoubler sa troisième, il y aura un investissement scolaire très fort de la famille, soit direct des parents, soit via des cours particuliers, etc., pour qu'il puisse aller en seconde générale et technologique, etc. Donc ça fait des différentiels qui sont quand même assez énormes à notes, disons, semblables en fin de collège. L'orientation selon le milieu social est très divergente. Après, à Paris, la réalité, c'est aussi des élèves des classes populaires issues d'immigration. Prune Hébert, enseignante. Toutes nos classes sont extrêmement colorées, quoi. C'est vraiment très différent d'une classe de lycée général de S ou de L. C'est vraiment pas du tout la même couleur, la photo de classe. Il y a une très forte différence rurale, urbain, mais là vous la retrouvez dans les collèges aussi. C'est pas les mêmes publics. Vincent Trouget, chercheur. Alors, en ville, dans certaines grandes villes et dans certaines grandes banlieues, vous avez une forte densité de jeunes issus de l'immigration. Là, dans l'enquête qu'on avait faite, c'était flagrant. On avait été voir dans 3 lycées parisiens, 80% des élèves avaient des parents nés à l'étranger. Et dans l'académie de Nantes où on était, c'était l'inverse, c'était 20% avaient des parents nés à l'étranger. Donc déjà, vous avez ces différences-là. C'est pas des différences qui jouent en termes de niveau. En revanche, elles jouent en termes de sentiment de stigmatisation. C'est-à-dire que des jeunes qui étaient dans un collège qui représentait, mettons, 40% ou 50% en banlieue de l'effectif d'un collège se retrouvent à 90% tous issus de l'immigration. Aziz Djellab dit ils ont le sentiment d'une double punition. C'est-à-dire ils avaient peut-être pas envie d'aller en enseignement professionnel et en plus ils se rendent compte qu'ils sont entre jeunes issus de l'immigration. Donc ça peut faire des lycées professionnels plus difficiles. En Vendée ou dans le pays nantais où je suis, c'est des jeunes qui finalement acceptent assez facilement leur orientation, se disent je vais rentrer dans telle entreprise, faire tel métier, etc. Ou bien j'aurai mon bac et puis après je ferai gendarme ou pompier, c'est un truc assez classique. Mais voilà, ils n'ont pas le même rapport au fait d'être orientés. Donc oui, il y a une différence urbain-rural, oui, assez nettement. Ou en tout cas, province et grande métropole. Une des expériences communes entre les élèves et les enseignants, c'est d'être dévalorisé. Prisca Kergoat, chercheuse. Parce que les enseignants de lycée pro sont quand même très dévalorisés par leurs collègues du lycée général. Et ils se vivent comme étant en bas de la hiérarchie sociale. Et les élèves, de leur côté, également. Donc ça, c'est peut-être une des expériences communes qui va d'ailleurs peut-être permettre aussi de communiquer et de comprendre les expériences des uns et des autres. Ils ont vécu une forme de mépris social au collège. Et ce mépris social n'existe plus au sein du lycée professionnel. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est pas le lycée professionnel qui produit ni les formes de ségrégation, ni la discrimination, ni la violence sur le marché du travail. Et ça, effectivement, c'est bien produit en amont par le marché du travail. Si on reprend d'ailleurs les vieilles connotations du marmiton, de l'arpète, du moussaillon, pour décrire le statut de l'apprenti, on voit bien que l'apprenti ou le stagiaire, il est encore en dessous hein, de l'ouvrier non qualifié. Donc c'est une expérience particulière. C'est aussi une expérience où on apprend finalement qu'on n'est pas grand-chose. Oui, donc il y a aussi une forme d'amertume de chez ces lycéens du professionnel. Bah oui, bien sûr, oui, une amertume profonde. Ça, c'est un peu une anecdote triste, mais bon, de plus en plus aujourd'hui en CAP, on scolarise des élèves aussi qui sont porteurs de handicap. C'est la loi 2005. C'est une loi. C'est une loi intéressante, enfin, qui participe aussi d'une ouverture de la société à l'inclusion de tous. Après, il y a évidemment des questions de moyens. Hein. Nous, on a été mis face au lycée, on a été mis face à cette réalité sans avoir du tout été accompagnés ni prévenus. Il a fallu que nous demandions d'être accompagnés parce qu'on était mis face à une situation où, dans certaines classes, il y avait 50% des élèves porteurs de handicap. Et du coup, ben, par exemple, là, en CAP, j'ai un élève qui fonctionne assez vite, qui se retrouve en CAP. Il aurait pu être en seconde bac pro, mais comme il est très opposant, comme il est très dans le conflit, il est, bah, du coup, il a dû. Ses enseignants lui ont dit, bon, bah, toi, t'es bon pour le CAP, en gros. Et du coup, il se retrouve avec des élèves qui peuvent être extrêmement motivés, etc., mais dont il voit très bien aussi que certains ben, ont des difficultés cognitives, sont accompagnés d'une AVS, etc. Alors du coup, ben, il a dit qu'il était dans une classe de CAP, ce qui est une espèce de savant mélange entre CAP et handicapé. Voilà. L'enseignement professionnel, c'est plein d'intitulés mystérieux. Logistique, pour gérer les marchandises dans un entrepôt, chaudronnerie, pour travailler le métal, ou hygiène et stérilisation, pour faire le ménage. Parfois, c'est très clair, et on fait un bac pro accueil, sécurité ou pressing. Mais il y a aussi les acronymes. ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, GA, gestion administration, MEI, maintenance des équipements industriels, CGEA, conduite et gestion des entreprises agricoles, ou encore PLP, professeur en lycée professionnel, BEP, brevet d'études professionnelles, CAP, certificat d'aptitude professionnelle, qu'on peut faire en 2 ans au lycée pro. Il y en a environ 200. Et enfin, il y a le bac pro, il y en a une centaine, qu'on fait en 3 ans. Et tout ça sous la houlette du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi de celui de l'agriculture, de la défense ou même de la transition écologique. Alors le CAP, c'est l'un des premiers diplômes professionnels à subir la récession économique dans les années 70. Et puis aussi, ces mésaventures sont liées au fait qu'il a accueilli aussi un nombre considérable de jeunes, des jeunes qu'on ne savait pas où envoyer, qu'il fallait conserver dans le système éducatif, mais pas dans la voie générale. Corinne Maillard, chercheuse. Donc l'État a rempli des sections de CAP avec des tas de jeunes et il y avait un surplus d'effectifs dans des CAP qui ne menaient pas à l'emploi. Donc le CAP, dès lors, a perdu son aura et n'a plus été considéré comme l'emblème de la qualification ouvrière, mais plutôt comme le diplôme de remédiation des élèves qu'on ne pouvait pas conduire dans un lycée général ou technique, des élèves qu'on ne savait pas où mettre, mais auxquels il fallait permettre de poursuivre leur scolarité au moins jusqu'à 16 ans, et éviter de sortir trop tôt de l'école. Il y a des tas de possibilités pour obtenir un CAP, sachant qu'il y a un regain de certains CAP. Je pense au CAP pâtissier, au CAP cuisine, car les émissions de télévision ont favorisé un engouement à l'égard de CAP dont pas grand monde voulait encore il y a 15 ans, et qui paraissait plutôt peu noble, peu intéressant, puisque la cuisine, c'est CAP cuisine, c'est comique cuisine, donc c'est très difficile, c'est dans des brigades, c'est un peu militaire, c'est un travail assez ingrat, fatigant, mais c'était pas les meilleurs élèves qui entraient, certains très motivés, mais pas tous, beaucoup de primo-arrivants, donc ils parlaient pas la langue, donc on les mettait en cuisine, parce que comme ils parlaient pas la langue, ça paraissait moins compliqué de les y mettre, et aujourd'hui, la cuisine et la pâtisserie, grâce aux émissions de télévision, apparaissent comme complètement anoblies, et donc il y a un engouement. Il y a aussi des CAP qui restent très élitistes pour le coup, c'est-à-dire qu'il y a très peu de monde, ce sont les CAP des arts appliqués, la joaillerie, bijouterie, facteur d'orgue, tout ce qui concerne la musique, enfin la lutherie. Il y a des CAP qui restent, très noble et très mais réservé à un public particulier. Alors là, je veux dire, c'est valorisant socialement, c'est-à-dire que pour des gens d'un certain milieu social, avoir un enfant qui va faire de la marqueterie à l'école Boulle ou qui va faire du graphisme et du design à l'école Étienne, c'est pas exactement la même chose que d'avoir un élève qui va faire de la mécanique auto ou de la structure métallique en charpente. On est rue des Feuillantines et on arrive au lycée Lucas Denehoux, donc lycée des métiers du verre. On arrive dans le hall et il y a déjà, on est accueilli par des vitraux. Bonjour. J'ai fait pas mal d'établissements parisiens et je vous avoue que c'est dans ce seul établissement où je rencontre une atmosphère de travail, une sérénité. Bonjour. Alors on a ici quelques étudiantes. Vous voyez que l'ambiance de travail ici est tout à fait exceptionnelle. Donc lorsqu'on vient au lycée Lucas Denehoux pour préparer un CAP ou un brevet des métiers d'art, c'est une formation qui est choisie. On a l'occasion de rencontrer ces jeunes avant le recrutement. On évite d'avoir des jeunes qui se retrouvent dans des formations subies finalement, imposées. Ici, des jeunes, tous les jeunes, quel que soit le niveau de formation, ont choisi leur formation et viennent de façon volontaire. Là, je suis en train de gratter une peinture au jaune d'argent. Donc, c'est une peinture où il y a des sels d'argent qui s'introduisent dans le verre après cuisson. Donc, après cuisson, ça laisse un dépôt du véhicule. Donc là, c'est de la terre d'ocre. Et donc, je suis en train de gratter pour qu'on puisse voir la peinture. Donc ça, là, sur celui-là, ça donne un effet jaunâtre. Et pour savoir où est la luminosité, je repère là où ça, on voit très bien la lumière de la plaque. Non, je vais te dessiner un soleil ici, oui. Et tu vas te dire que le soleil, il arrive par la clairion, ils arrivent par là. Donc ils ne peuvent éclairer que ces faces-là. Oui. Et surtout pas l'autre côté. D'accord ? Et ça, tu fais ça tout doucement, comme si c'était un papillon. Hein ? D'accord, tu vois, là, tout doucement ici, et toujours dans le sens du volume. Je fais plus fort quand c'est des gros traits. Non, il n'y a jamais plus fort, tu fais ça toujours tout doucement. Tout doucement. Tu répètes comme si tu étais une libellule, tu te déplaces tout doucement. Un papillon, comme tu veux. D'accord ? Allez, tu continues. Aujourd'hui, en gros, la moitié des élèves, déjà, il y a la division service-production, c'est-à-dire en gros, la moitié des élèves sont dans des activités tertiaires et l'autre moitié dans des activités de production. Autrefois, on aurait dit des métiers manuels, mais ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, mais des activités de production. Et à l'intérieur de ça, il y a des différences qui sont liées soit à la nature des métiers, soit à l'attraction des métiers. Donc on sait qu'il y a des disciplines ou des matières de l'enseignement professionnel qui sont très demandées par les élèves, où donc vous allez avoir de, entre guillemets, de bons élèves, c'est-à-dire des gens qui ont eu des résultats corrects au collège. Et alors, en théorie, ils sont pas sélectionnés, mais en fait, il y a beaucoup de moyens pour faire en sorte que ce soit eux qui aient les premiers dossiers. Et donc, vous allez avoir des spécialités. Alors, pour en donner quelques exemples, l'hôtellerie-restauration, c'est assez demandé. Chez les filles, les formations sanitaires et sociales pour devenir aide-soignante, parce qu'on sait qu'il y a du travail à la sortie. Chez les garçons, vous allez avoir la mécanique automobile, la mécanique moto. Autrefois, il y avait l'électricité. Aujourd'hui, ça a beaucoup perdu, mais vous avez tout ce qui tourne autour d'électronique, des métiers qui touchent à l'informatique, etc. Voilà, donc vous avez des métiers comme ça qui sont très demandés, et à l'inverse, notamment les métiers du bâtiment sont relativement peu demandés. Là où il y a du travail, parfois. C'est-à-dire que quelquefois, l'attractivité de la profession par rapport aux jeunes et aux familles ne correspond pas aux besoins. Ça pose la question de la relation formation-emploi, c'est-à-dire que construire une formation, un diplôme de formation qualifiante ou un diplôme professionnel, ça met des années. Corinne Gleiman, inspectrice d'académie. Donc, on ne sait pas faire, je dirais, l'ajustement dans l'immédiat entre, globalement, les besoins en emploi et puis la formation. Donc, des formations qui sont peu insérantes, ben, forcément, les élèves ne les demandent pas. Donc, comme il reste des places vacantes, les élèves qui n'ont pas eu d'autres orientations ou d'autres places se trouvent, par une logique là aussi, de gestion des flux dans ces formations-là. C'est la question aussi quelquefois des classes qui sont pas remplies. Donc à partir du mois d'octobre, globalement, on va accueillir dans ces classes-là tous les élèves qui n'ont pas trouvé d'autres affectations et qui sont pas forcément les plus motivés et les plus faciles à gérer. Mais en même temps, il y a aussi des emplois qui sont insérants et qui sont pas forcément attractifs pour les élèves, parce que ça peut être des métiers difficiles auxquels les élèves ne se destinent pas. Et puis, il y a une réticence globale aujourd'hui aux métiers dits qui sont des métiers qui... D'abord, avec des risques de chômage. Il vaut mieux être employé de banque quand même que de travailler dans une entreprise de métallurgie aujourd'hui. Et puis, des métiers qui sont réputés difficiles sur le plan physique. Donc il y a les gosses savent que si vous rentrez dans le bâtiment, il y a du boulot dans la charpente, mais il faut monter sur les toits, il faut porter des objets lourds, il y a des risques d'accident, etc. Et ils n'ont pas forcément envie de se lever à 6h du matin pour arriver sur un toit à 8h du matin, il fait froid, etc. Il y a aussi une perte, si vous voulez, d'attraction des métiers ouvriers, qui est liée aussi à la diminution du nombre d'ouvriers dans la population, etc. Vous regardez le cinéma des années 50, l'ouvrier parisien, c'était une figure importante. Jean Gabin pouvait tout à fait illustrer. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, les figures, c'est les cadres de banque. Et donc, il y a une image aussi des métiers qui est très dégradée. Alors qu'il y a effectivement des secteurs où il y a de l'emploi. Ce que j'avais pu observer dans mon travail, c'est que le rapport au travail manuel était très variable d'une famille à une autre, même avec des caractéristiques sociales très proches. C'est-à-dire avec, des garçons qui avaient des pères ouvriers tous les deux dans le bâtiment. Certains vont vouloir reproduire la condition de leur père, c'est-à-dire faire un travail manuel, travailler dehors, de ses mains, c'est pas un problème si on travaille dur, c'est même plutôt une fierté, etc. Bon. Et d'autres, pour qui c'est un repoussoir. Bon. Et c'est vrai que, par exemple, les garçons de l'immigration non européenne avaient tendance à davantage repousser, à refuser le travail considéré comme manuel, ou le travail, par exemple, dans le bâtiment ou dans l'industrie, en tout cas plus que les autres, pour des raisons qui sont, je crois, assez compréhensibles. C'est que les pères ouvriers maghrébins ou d'Afrique subsaharienne ont de fait subi le pire de la condition ouvrière, bon, au sens où les métiers les plus durs, souvent, en fait, un enfermement dans les postes les plus difficiles, en fait, sans perspective de promotion sociale sur des postes d'ouvriers qualifiés ou de contremaître, de chef d'équipe, etc. Contrairement, par exemple, aux pères issus d'immigration européenne, par exemple portugais ou espagnol, qui ont pu accéder à ce type de poste ou qui ont monté leur petite entreprise dans des secteurs plus artisanaux, etc. Et donc ces garçons-là issus d'immigration non européenne vont être tentés de choisir davantage des formations non manuelles, des formations un peu plus généralistes, donc par exemple gestion administrative ou commerce, vente, etc., pour préserver l'espoir des études longues et peut-être d'un métier non manuel. Ce qui n'est pas le rapport que je voyais chez des apprentis, par exemple, en bâtiment, très souvent fils d'ouvriers travaillant eux-mêmes soit dans l'industrie, soit dans le BTP, etc. Donc il y a, si vous voulez, des ressources, en quelque sorte, culturelles proprement ouvrières qui peuvent être mobilisées pour donner sens à la trajectoire scolaire et socio-professionnelle des élèves et faire en sorte qu'il n'y ait pas justement le sentiment ou trop le sentiment d'être relégué, quoi. D'une certaine manière, Bourdieu parlait d'amor fati, c'est-à-dire d'amour de son propre destin. Bon, ça peut être une manière aussi de, en quelque sorte, de légitimer ou de justifier sa propre destinée scolaire et professionnelle. Et qui, d'une certaine manière, aussi laisse intactes les inégalités, etc. Puisque, effectivement, on va trouver peu d'enfants de la bourgeoisie ou des classes favorisées dans ces filières-là et sur ces métiers-là, ou extrêmement peu. Donc c'est un technicien, il est venu dans notre agence pour faire une vérification du matériel d'une vitre de refroidissement, c'est ça ? Réfrigérée. Du coup, il nous a remis une fiche d'intervention, enfin la fiche de l'intervention, avec les constats qui a été l'évaporateur ventilé qui tourne trop lentement, le réglage hygrométrique qui est défectueux et le détenteur qui ne fait plus baisser la pression. Du coup, on a dû téléphoner à leur entreprise Univers Froid. On a donc le numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous la semaine prochaine en urgence avec le contrat de maintenance, le numéro du contrat de maintenance. Voilà. Ils vont maintenant préparer l'appel téléphonique, puisqu'on n'appelle pas comme ça sans nous faire une préparation. Est-ce que vous avez l'impression, parce que c'est ce qu'on peut lire souvent dans les recherches menées sur la question de l'enseignement professionnel, que les filles, et notamment les filles issues de l'immigration, sont vraiment celles qui sont finalement les moins bien loties au bout du compte ? Je pense que l'enseignement professionnel a quand même été fortement pensé pour les filières industrielles et artisanales. Benoît Bouix, ancien secrétaire général des branches professionnelles. Et le problème de l'orientation pousse le problème des filles. C'est-à-dire que les filles ne vont pas forcément dans l'industrie et l'artisanat. On les oriente peu dans cette direction. Donc il y a une tendance à une inflation des filières tertiaires, entre autres à l'époque la filière administrative qui est hyper... Moi, j'ai été obligé de créer un bac pro pour offrir une poursuite d'études, mais on avait conscience qu'il n'y avait pas une demande très forte du marché du travail sur cette spécialité-là à l'époque. C'est-à-dire qu'on a créé un diplôme où les filles pouvaient éventuellement candidater, mais en sachant qu'il n'y avait pas de débouché. Ce n'était pas si simple que ça. Un des aspects difficiles, si vous voulez, dans les choix, c'est d'arriver à calibrer un diplôme par rapport à ce qu'il va devenir. Moi, quand j'ai proposé les 5 spécialités de bac pro, j'avais aucun élément pour savoir ce qui allait se passer dans 10 ans. Parce que le plein effet d'un diplôme, c'est pas tout de suite. C'est bon. Et là, il faut pas trop se tromper. Si j'ai un regret, c'est que les bac pro tertiaires sont beaucoup trop développés, alors que l'emploi dans le secteur tertiaire, majoritairement, passe à un niveau plus élevé, quoi. Vous pensez au bac pro, par exemple, gestion administration ? Par exemple, et même vente, où là, il y a des très gros flux, parce que c'est facile à ouvrir. Alors, il y a aussi ça, c'est que les formations tertiaires sont beaucoup plus faciles à ouvrir, ça coûte moins cher. Il n'y a pas besoin d'équipements sophistiqués. Donc, quand vous avez des problèmes de rentrée scolaire, et que vous devez ouvrir des formations, entre autres pour les filles, vous faites du tertiaire. Et donc, vous avez l'impression que les filles sont un peu celles qui sont laissées sur le carreau dans l'enseignement professionnel ? Le système de formation professionnelle est quand même plus pertinent, plus performant sur les formations industrielles. Donc, on aura compris par élimination. On va demander à Sarah qui nous lit un petit peu. Donc. L'appel téléphonique que tu as préparé. Je lis tout ce que j'ai mis là. Oui, ton appel téléphonique. Imaginons que tu es en train de téléphoner. Chut. Faut que je me prépare. Bonjour, Univers Chocolat. Je voudrais parler au service de maintenance. Un technicien est venu le 15 mai faire une vérification du matériel et a constaté quelques dysfonctionnements sur des vitrines réfrigérées. Pour cela, il faudrait un rendez-vous en urgence pour la semaine prochaine avec un technicien. Notre numéro de contrat est 25-46. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? On présente l'entreprise et après on salue. Alors, oui, mais bon, on doit avoir les deux éléments. Ça, c'est important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations qui manqueraient ou... Vous n'avez rien à rajouter. Il est impossible de mener en 3 ans des jeunes en très grande difficulté scolaire. Il est impossible de leur faire acquérir un métier qui est un métier clé dans des tas d'organisations productives. Il est impossible de leur faire réussir un concours de catégorie B. Donc, c'est un bac pro qui sert aussi, pas que, mais aussi à l'accueil. C'est un bac pro pour grandir, pour mûrir, pour se préparer à autre chose, mais pas forcément à l'emploi. Donc, c'est un bac pro de filles, d'enfants d'immigrés de la deuxième ou troisième génération, des filles qui n'ont pas voulu être là. Hein. Et on les y met parce que c'est pas cher, parce qu'on peut ouvrir autant de sections qu'on veut dans le lycée sans que ça pose problème. C'est quand même un énorme, c'est plus de 70 000 élèves, donc c'est le premier bac pro, donc c'est considérable, et il ne mène pas à grand-chose. Alors, il focalise pas mal de problèmes, dont celui aussi des filles de milieu populaire. Souvent, elles veulent faire coiffure ou sanitaire et social, mais il n'y a pas de place, donc on les met en bac pro gestion administration. Et comme ce sont des filles de milieu populaire, ce n'est pas forcément une préoccupation pour l'État, pour le ministère. Il y a une forme d'abandon d'un public qui, en l'occurrence, ben, fille, milieu populaire. À force de visiter les lycées professionnels, je me suis pris de plein fouet la division sexuelle du travail. Des lycées de mécanique ou du bâtiment peuplés de garçons, des lycées d'esthétique ou de service à la personne peuplés de filles. Et comme l'impression étrange de revenir dans les années 50, quand l'école n'était pas mixte. Et puis, parfois, perdue au milieu des gars, dans un bleu de travail un peu grand, mais comme un poisson dans l'eau, une fille avec un chalumeau à la main. Ou parmi des jeunes filles impeccablement maquillées, un jeune homme qui veut devenir coiffeur. Des pionniers qui en voient de toutes les couleurs. Alors c'est vrai que la particularité de la formation professionnelle, c'est d'être fortement ségrégée. Et si on a observé depuis maintenant plusieurs décennies une féminisation des professions supérieures, c'est pas le cas pour les formations au bas de l'échelle des qualifications, puisqu'on va avoir des taux en coiffure, en esthétique, autour de 97% de filles, l'aide à la personne 99% de filles. Si on regarde du côté des garçons, hein, on a le miroir, c'est-à-dire on va avoir la mécanique, le bâtiment, 99% de garçons. Donc finalement, on dit toujours qu'en France, la mixité, elle est acquise. Mais elle est loin d'être acquise non seulement en termes de préparation de métier, mais aussi les garçons et les filles ne se rencontrent pas dans les classes, ne se rencontrent pas dans les établissements, puisqu'on a des établissements qui sont des lycées de métiers, qui regroupent des métiers particuliers. Demain, votre avenir, votre situation, échec au hasard. Observation, orientation, promotion sociale. Pour vous qui avez un problème scolaire ou professionnel à résoudre, échec au hasard. En juin 1967, sur France Culture, dans l'émission Échec au hasard, les filles sont déjà un problème. Au début, Hélène est rentrée dans un lycée d'enseignement général où elle était en 6e moderne et elle a travaillé à peu près normalement jusqu'en 4e. Ce qu'elle voulait, elle pensait se destiner à la puériculture et elle voulait avoir les enfants en même temps. Alors ça nous a été très difficile parce que c'était devenu très difficile de tempérament et de caractère, on ne pouvait plus rien en faire. Alors, on est allé à l'école d'aide maternelle, dans un CET d'aide maternelle, qui est assez bien de niveau, et dans lequel elle a commencé à très bien travailler, parce qu'elle travaillait déjà sur des poupons de grandeur naturelle. Elle avait déjà toujours les premières notes en pratique. Et elle fait sa troisième année dans un hôpital, maintenant, pour faire son diplôme d'auxiliaire puéricultrice. Bien évidemment, il y a une socialisation sexuée qui s'opère très jeune, hein, dès le plus jeune âge, et qui va conduire à ce que les filles privilégient les formations relevant du tertiaire et les garçons les formations relevant de l'industrie. Mais ce phénomène de socialisation genrée n'explique pas tout. Puisque quand on regarde par exemple l'accès à l'apprentissage, eh ben on voit que finalement elles sont prises en étau d'une part parce qu'elles n'arrivent pas à pénétrer les formations dites masculines, hein, où elles sont progressivement évincées, avec des arguments presque légaux, c'est-à-dire on va dire aux filles on n'a pas de vestiaire. Hein. La législation nous demande d'avoir deux vestiaires séparés, on ne les a pas, donc on ne peut pas vous prendre. Donc, elles n'arrivent pas à pénétrer du tout les formations dites masculines et les formations dites féminines par le fait, en fait, qu'elles sont concentrées dans un tout petit nombre de métiers et que donc la concurrence est renforcée et il va y avoir une sursélection à l'entrée qui va s'organiser sur leur disposition sociale, sur leur manière d'être. C'est-à-dire pour une fille qui veut pénétrer l'esthétique ou la coiffure, eh ben, il va falloir se transformer. Hein, c'est ce qu'elles racontent d'ailleurs, hein, qu'elles ont passé souvent beaucoup de temps avec leur mère à faire les boutiques, à aller chez le coiffeur, à retirer les piercings, à cacher les tatouages, à trouver des petites chaussures à talons, etc. C'est l'idée aussi qu'il faut qu'elles performent leur genre. Hein, c'est-à-dire que elles disent, il faut qu'on devienne de petites femmes, mais pas à n'importe quel genre non plus. c'est-à-dire ça va être le genre des classes intermédiaires occidentales. Ange-Nicolas, est-ce qu'il y avait autant de filles que de garçons dans votre formation ? Non, non. À la base, en seconde, dans la première année, on était 28. Il y avait 3 filles dans ma classe et que des garçons. Après, ça reste un bac où il y a plus d'hommes que de femmes. Après, ça n'a pas dû être vraiment très facile pour elles. Et puis, pour nous non plus, parce que on n'est que entre mecs et on n'a pas ce contact avec des filles qu'on a, par exemple, dans l'enseignement en général. Donc, du coup, on est... Qu'entre loups, je dirais, et il n'y a pas de contact féminin. Et ça, c'est un peu, oui, je pense que c'est un peu handicapant pour certaines personnes pour l'avenir, quoi. Parce que vous êtes dans une classe où, voilà, il n'y a pas de filles, vous êtes qu'entre mecs, et il y en a une, et voilà, enfin, c'est très bizarre. Ça, j'avais jamais vécu ça dans mes autres classes. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de filles ? Parce qu'on peut imaginer que quand on va dans une boutique, quand on se promène, quand on va dans un grand magasin, il y a des vendeuses et des vendeurs. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de filles dans ce bac pro vente ? Bah parce que le bac pro, en général, quand on est au collège, avant de passer au lycée, c'est la filière punition. C'est, vous vous dites, voilà, ça va être horrible, je vais me retrouver qu'avec des futurs détenus, ça va être la merde. Mais non, après, c'est des idées reçues. Et pourquoi pas de filles ? Ça, après, c'est la filière qui veut ça. Je sais qu'il y a des filles, par exemple, en secrétariat, il n'y a que des filles, quoi. Il y a un mec par classe. Ça dépend vraiment de la filière. Et ça vous fait quel effet, justement, de vous retrouver dans un lycée et en tout cas dans une classe, là, où vous êtes la seule fille ? Bah, au début, c'était un peu saoulant parce que les garçons, ils faisaient que regarder, siffler. Enfin, maintenant, ça va, c'est tous mes potes, mais enfin, je me mélange pas aux autres garçons à part ma classe parce que, enfin, voilà. Au début, je me rappelle, quand je suis rentrée, je savais pas que c'était mécanique aussi. Et le rectorat, il m'avait bien dit qu'il y avait 18 filles parce que moi, j'ai dit que s'il y avait pas trop de filles, enfin, voilà. Et ils m'ont dit, bon, je suis rentrée. Déjà, il y a les ateliers en bas. Tous les garçons se sont mis aux vitres. Je me dis, je vais me faire bouffer. J'ai eu peur. Mais après, dès que je leur ai montré que j'avais du caractère, franchement, c'est passé direct. Mais après, si, je pense que si j'aurais été trop gentille, je me serais sentie mal ici parce que tout le monde aurait abusé, je pense. La socialisation telle qu'elle est pensée à l'école primaire et au collège, elle a un rôle aussi. Hein. Elle apprend aux filles et aux garçons à cohabiter ensemble. Et le fait qu'à partir de 14 ans, qui est quand même un âge charnière en matière de socialisation, on ne cohabite plus, contient un risque. Hein. C'est celui de moins connaître l'autre et donc de développer aussi des pratiques qui peuvent aller des fois jusqu'au harcèlement. Hein. Et du harcèlement qui n'est pas forcément un harcèlement sexuel, hein, qui peut être un harcèlement moral, mais où finalement les garçons vont se mettre en situation de convaincre les filles qu'elles ne sont pas à leur place et qu'elles doivent partir. Parce que c'est bien beau de pousser les filles, certes, mais les pionnières, en l'occurrence, elles sont peu accompagnées. Et donc elles doivent essuyer un certain nombre de pratiques qui, pour des filles, encore une fois, qui ont 14 ou 15 ans, sont souvent intenables et qui les amènent à décrocher. Brigitte Chevalet, proviseure du lycée Élisa Lemonnier. Un grand personnage, Élisa Lemonnier. C'est la première femme qui a ouvert l'éducation aux filles. C'est une structure mixte, où il y a à la fois des filles et des garçons, excepté en esthétique CAP et Bac Pro, où pour l'instant... nous n'accueillons que des filles. Les garçons intègrent le BTS. On ne peut pas accueillir, à cause de la formation, des garçons et des filles, parce qu'il faut que tout le monde se dévêtisse. La formation esthétique, on est quand même en petite tenue, et la classe d'âge fait qu'il faut qu'on ait des vestiaires, éventuellement des professeurs masculins, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est dans les textes, mais dans les faits, c'est pas possible. Non mais comment ça ? Il y a aussi tu pars, toi. Non, mais vas-y. Mais vous inquiétez pas. Si on reprend l'enseignement supérieur, on retrouve quand même des choses très genrées entre les classes préparatoires scientifiques et les classes préparatoires littéraires, ou les classes préparatoires scientifiques où il y a une très large majorité de garçons et les classes préparatoires littéraires où il y a une très large majorité de filles. C'est, je dirais, presque aussi genré que dans la voie professionnelle. Parce que c'est vrai que sinon, ça peut donner le sentiment que d'une certaine manière, le sexisme de l'orientation ou que le genre n'impacte que du côté des classes populaires, ce qui n'est vraiment pas le cas. D'ailleurs, les comportements sexistes les plus brutaux peuvent se retrouver dans les écoles d'élite, hein, notamment des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, à travers des week-ends d'intégration, des formes de bizutage très genrées et très de l'ordre du harcèlement et de la violence faite aux femmes. Voilà. Alors, une fois ces précisions faites, je dirais qu'effectivement, il y a ici quelque chose qui finalement reflète largement ce qu'est le monde du travail et qui renvoie à une structuration très ancienne, hein, et donc très genrée et très ancienne, hein, du monde du travail. Et effectivement, c'est extrêmement difficile de déraciner ça parce qu'il faudrait agir sur tous les leviers en même temps, en quelque sorte, hein. Parce que si vous voulez, le problème, c'est que une fille qui, par exemple, j'ai déjà rencontré le cas, hein, dans mes enquêtes, une fille qui, en fin de collège, veut faire une filière considérée comme masculine, va y être désincitée pour des mauvaises raisons, souvent. Bon, c'est pas un métier de fille, on te voit pas aller dedans parce que voilà, c'est pas fait pour une fille, ça fait pas ça, etc. Bon, donc des raisons qui relèvent du pur préjugé de genre, mais y compris pour des raisons qui peuvent être entendables, c'est-à-dire ça va être très difficile pour toi de trouver un boulot, c'est très difficile de trouver, et c'est vrai, c'est très difficile de trouver pour une fille, par exemple, en mettant dans les métiers du bâtiment, de trouver un stage ou de trouver une entreprise pour un apprentissage. Et puis c'est pareil sur le niveau de l'embauche, puis de l'avancement, on sait que bon. Et par ailleurs, il y a tout ce qui renvoie, parce qu'il faut pas parler que des filles, tout ce qui renvoie à la construction de la masculinité du côté des garçons, qui fait que, encore plus que chez les filles, les garçons ne s'imaginent même pas s'orienter vers une filière considérée comme féminine. J'insiste, davantage que les filles. Alors là, c'est le dernier cours de manucurie qu'on fait avec notre prof. Du coup, on fait une manucurie simple. Enfin, assez tôt, elle me fait une manucurie simple. Là, vous pouvez expliquer ce que vous êtes en train de faire. Bah, on est en train de poser des capsules avec un gel et qu'on va passer, on va catalyser sous la machine, du coup. Bah, du coup, ça sert à allonger l'ongle. Et on met du gel en dessous. Au-dessus, pardon. Donc c'est ça, une capsule. Oui, c'est un faux ongle. Mais il tient avec la colle. On met de la colle et après, par-dessus, on met le gel pour que ça tient encore mieux. Attention, les produits avec la lampe. Hop. Décalez vos produits, votre pinceau, sinon ça va catalyser votre produit. C'est bah voilà. On le referme obligatoirement à chaque fois. Sinon, ça colle de partout. Tout à l'heure, ça faisait que tomber, mais c'était... Le truc pour décoller. Ouais. Ah, attendez, elle va faire la forme, elle va faire tout le nivelage de l'ongle, et après, vous les retirez. Vous finissez les deux dernières capsules. On en coupe, on met la courbe et on forme. Je prends du notre ouais. Mais maintenant, quand je l'ai pris, c'était déjà comme ça. De côté. Bah non. En filière professionnelle scolaire, on apprend à planter, élever des vaches ou des crevettes, poser des fenêtres ou des radiateurs, prendre des appels, réparer des machines, faire à manger, restaurer des vitraux, nettoyer des sols et même poser des faux ongles ou du papier peint. Mais on peut aussi apprendre tout ça en apprentissage, en lycée professionnel ou en CFA. 16 ans et déjà un patron au-dessus de soi. Nicolas Lemeur, vous êtes professeur d'agronomie au lycée Sucigneau à Morlaix. Quelles sont les caractéristiques de l'enseignement en apprentissage en bac pro ? Alors, c'est vrai que l'apprentissage, c'est une filière assez exigeante parce qu'en gros, hein, ils sont une semaine au lycée et une semaine dans leurs entreprises d'accueil, donc ce sont des exploitations agricoles. L'autre particularité, c'est qu'ils sont salariés. Ils ont bien un contrat d'apprentissage et un statut de salarié. Donc, ils ont uniquement 5 semaines de congés payés dans l'année. Là, ils sont en première en apprentissage. Donc, ils peuvent commencer à 15-16 ans. Et c'est vrai que c'est un rythme assez soutenu. On leur demande beaucoup parce qu'ils doivent faire le même programme que ceux qui ne sont pas en apprentissage. Et ils passent le même examen final, donc le même bac pro. Ils ont des exigences de la part de leurs parents, des exigences de la part du lycée et des exigences de la part du maître d'apprentissage, plus leurs problèmes d'adolescents en fait. Donc c'est pas adapté à tous les jeunes. On voit des décrochages tous les ans. On va aussi avoir un discours qui débute dans les années 80 et qui va prendre de l'ampleur dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, qui est un discours qui va être aussi fortement porté par le MEDEF de disqualification de l'école, qui va être accusé finalement d'être une fabrique de chômeurs. Et là, pour en témoigner, on peut par exemple se tourner vers les dernières campagnes du MEDEF qui vont affirmer, hein, je cite, que si l'école faisait son travail, j'aurais du travail. Alors c'est assez paradoxal parce qu'on a effectivement un discours du MEDEF qui est de dire que les jeunes qui vont être compétents et qui font s'adapter rapidement à l'emploi sont ceux qui ont eu des expériences en entreprise. Et en même temps, par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne ou la Suisse, on a des entreprises qui sont très peu investies dans la formation professionnelle. Et de fait, l'apprentissage ne prend pas bien en France. Il s'est surtout développé aux étages du supérieur, donc au niveau BTS, DUT, voire licence professionnelle. Beaucoup moins au niveau CAP, un peu plus au niveau bac pro. Donc il y a finalement cette idée qui est développée et qui est pourtant fausse, hein, qui est de dire que en France on manque de candidats à l'apprentissage. Or nous, ce qu'on a démontré suite à une enquête, que finalement on a aujourd'hui 30% de jeunes de lycée professionnel qui auraient souhaité entrer en apprentissage. Donc le problème, ce n'est pas celui des candidats, c'est celui des places. Et donc ça va aussi produire, si vous voulez, une sélection à l'entrée. Donc on voit bien que les jeunes qui ne réussissent pas à entrer dans ce dispositif, on a les jeunes issus de l'immigration maghrébine et subsaharienne, on a les filles, on a aussi une très forte proportion d'une jeunesse issue des classes populaires paupérisées. Et c'est là encore un paradoxe, c'est que finalement l'apprentissage ne se tourne pas vers la jeunesse la plus fragilisée, c'est-à-dire celle dont on sait qu'elle a la plus grande probabilité de connaître un jour le chômage. Et c'est justement parce que l'apprentissage relègue cette population au lycée professionnel qu'il améliore, si vous voulez, quantitativement son score en termes d'insertion professionnelle. En même temps, dans des tas de spécialités, il n'y a pas d'apprentissage. En gestion d'administration, il n'y a pas d'apprentissage. En sanitaire et sociale, il n'y a pas d'apprentissage. Dans beaucoup de sections tertiaires, l'apprentissage n'est pas développé. Des spécialités tertiaires n'intéressent pas du tout les employeurs, puisque préparer un bac pro en 3 ans d'apprentissage, pour les employeurs, c'est très lourd, c'est compliqué, et les employeurs ont beaucoup de mal avec les jeunes qui arrivent de 3e. Des jeunes mal dégrossis, des jeunes pas encore très polis, qui savent pas encore faire grand-chose, qui sont extrêmement jeunes, ils n'ont plus l'habitude de ce public-là, et ils n'en veulent pas, donc ils préfèrent le confier au lycée professionnel. En formation, il va y avoir, surtout au niveau des garçons, cette idée un peu qu'il faut les civiliser. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils apprennent à dire bonjour en rentrant dans la classe, à enlever leur casquette, à quitter le jogging au minimum pour un jean propre et repassé, qu'il faut savoir au minima s'exprimer, etc. Ce qui est très dommageable, et je pense que la dernière réforme en cours va encore durcir cet aspect, que le métier, finalement, il devient presque secondaire. Et par contre, on va effectivement les exercer à savoir écrire un CV, à savoir se présenter, où on leur demande de se montrer devant la classe, de se tourner, et puis on demande aux autres élèves de critiquer le pantalon, les chaussures, etc. Donc c'est vrai que ça devient prépondérant aujourd'hui dans les lycées professionnels. Est-ce que c'est parce que les enseignants trouvent ces jeunes particulièrement incivilisés? Je ne suis pas sûre. Le point du 7e jour, un CET parmi tant d'autres. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que la proportion des enfants fugueurs ou même prédélinquants est plus forte dans les CET qu'ils ne le sont, à votre connaissance, dans des établissements secondaires vous peint des enfants du même âge? Je crois que je peux répondre oui à cette question. Février 1974, dans l'émission Le Point du Septième Jour, on voit déjà des délinquants partout. Il y a le désintérêt des études, il y a l'absentéisme, et puis ça s'aggrave. On en vient aux bandes et on en vient tout simplement à ce qui touche au juge des enfants. Bon, on sait très bien que le niveau socio-culturel des familles en général de CET est dans le bas de l'échelle sociale. Pour nous, c'est l'origine des familles qui nous pose des problèmes. C'est des parents séparés, c'est des parents divorcés, des parents élevant l'un père-mère seul, des grands-parents, des fois enfin, des enfants nourrices, des familles étrangères. Tous ces phénomènes à la période pubertaire provoquent des explosions qui font qu'elles ne sont pas toujours très bien contrôlées, et pas du tout, je dirais presque dans la majorité des cas, par les familles. Le travail scolaire, il est quand même rythmé par les boulettes de papier qui volent, par les textos qu'on s'envoie, par les vannes, par les allers-retours du couloir à la classe. Et donc les enseignants sont, de fait, et ce qui est très difficile pour eux, quotidiennement confrontés à ce que moi j'ai appelé des pratiques d'indocilité de la part des élèves. Après, il me semble que ces pratiques... ils le disent bien, je crois, les élèves de transgression, finalement n'ont pas, pour la plupart du temps, pour fonction de déstabiliser l'enseignement ou de déstabiliser l'ordre scolaire, mais plutôt de faire vivre un univers juvénile qu'ils ne retrouvent plus dans le cadre, par exemple, des stages ou des situations de travail. Et que c'est un peu le seul moment, ils le disent, où il y a un peu d'ambiance et on peut rigoler. Voilà. Mais je ne pense pas qu'on doive l'interpréter comme comme on le fait un peu souvent, la violence des jeunes de banlieue. Ce qu'ils disent bien, ces jeunes, ce qu'ils formulent bien, c'est ce sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'ils sont orientés beaucoup trop tôt. En tout cas, pour la grande majorité, qui n'ont pas d'idée réelle, concrète, du métier qu'ils veulent faire plus tard. Et ils le disent, on ne nous laisse pas le luxe d'hésiter, de chercher, de se tromper, d'aller voir ailleurs. Et ils ont le sentiment qu'on leur vole leur jeunesse. Et que pour eux, c'est peut-être une des premières injustices et peut-être la plus criante. There were times that all that freedom had me wasted, wild and bored. Shooting through the ceiling, shaking off the desert storm. Reaching out for something, trying to let go of the war. Hoping hard for something to hold on to. Stretching at the truth, trying to seem a little hard. Scratching at the eight ball, in the back half of the bar. Yes, I always roll around, with a magic marker. Sometimes it feels good to write your name. Merci à Benoît Bouix, Corinne Gleyman, Prisca Kergoat, Nicolas Lemeur, Fabienne Maillard, Ange Nicolas, Hugo Paletta, Vincent Troget et Elisa Vericchia. Merci aussi au lycée Genazzi, Sussigno, Henri Sonnet, Lucas Leneou et Elisa Lemonnier. Avec un petit coup de main de Zineb Souleymani, Archivina Clarimonac et Manuela Dubessy, prise de son Cyprien Creton, François Rivalan, Yvan Turc et Laurent Lucas, Un monde du travail en miniature, un documentaire de Perrine Kerbran, réalisé par Doria Zenin. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Hénin Beaumont, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, les PLP, profs invisibles. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.